Je suis pas sûr. Donc, si vous voulez bien mettre la musique, s'il vous plaît, c'est la musique avant ça. Ouais, mais on va présenter la radio et après tu vas mettre la musique et on a. Parce que eux, ils veulent commencer, tu vois. Bah oui. La carotte. Voilà. Là c'est mieux. Ah. Tu vois? La carotte. Ok. Vous voulez parler, vous demandez le micro, hein. Ah, quoi? Partagez le micro, regarde. Quoi, couper? On partage le micro. Souvent été trahi. Souvent été trahi. Quoi, couper? Didi. Ouais. Tu as changé de nom, tu avec Didi. Didi. DJ. C'est pas Didi. Dans 10 minutes, on est en direct. Didi. Ouais, c'est tout ou pas? Comment? Allô, oui, attends. Ouais, c'est notre téléphone, hein. Aïe, CJ. On est là. On est pas loin. On est avec une Altino qui vient de 8 mois des Caraïbes. Igualtino, voilà. Mais je me perds avec contre tes trois frères, en fait. Esteban, qui vient d'arriver, hôpital psychiatrique. Hôpital psychiatrique, mais aussi tu es ailleurs, dans un autre lieu. Tu n'es pas qu'à l'hôpital psychiatrique. Mécanicien RATP. Tu es un mécanicien RATP. Oui. En quelle ligne tu travailles? À Belliard, Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt. Voilà. Ouais. Ça se passe bien ton travail? Ça se passe magnifiquement bien. Ah oui, tu aimes bien. Tu fais la grève un peu comme le... Non, on ne fait pas la grève. Non? Non. Et ça va bien ici? Ça se calme un peu ou pas? Ouais, ça. Il y a la vibes. Il y a la vibes? Ouais. Et tu as déjà fait la radio ou c'est la première fois? C'est la première fois. Bon, bienvenue à la radio métanoïaque. Là, on est en direct là sur Pinoz. C'est vrai. On passe dans différents lieux de la planète. Ouais. On est sur Internet, on est sur la DAB digitale, canal, je pense, le 9. Canal de l'Ourcq. Le canal de l'Ourcq. Bon, Esteban, ça va mieux là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Vous m'avez invité. Oui, mais qu'est-ce qui te fait rester à l'hôpital psychiatrique? Est-ce que tu as eu un souci? Ou tu veux parler ou pas? Sinon, tu n'es pas obligé. Hein. J'ai cassé le téléphone à ma femme parce que j'étais énervé. Ah oui? Et comme ça, ils t'ont amené ici? Ils m'ont ramené ici parce que j'étais diagnostiqué bipolaire en 2021. Ah oui? Le 5 février 2021. Ouais. Et du coup, quand je suis en crise, je retourne à l'hôpital, quoi. Ouais. Donc tu as des fois des hauts et des bas comme ça. Des hauts et des bas, des montagnes russes. La montagne russe. On appelle ça montagne russe. Ouais. Avant, on appelait ça la folie circulaire. Tu sais, tu as des fois en haut, des fois en bas. Tu penses quoi, Inaltino, la folie circulaire? Je connais pas. Non, mais c'est. Des fois, on est dans la vie, on a des hauts et des bas. Hein. Pas coupé. Ah. On sait comment une rondelle, tu vois. Des fois, on est heureux, des fois, on n'est pas heureux. C'est un cercle vicieux. C'est vrai. Ça peut être un cercle heureux aussi, si tu le vis autrement, tu vois. C'est ça. Tu peux être dans la joie. Vivre dans la joie et la bonne humeur. Voilà, quand tu te réveilles, tu es actif. Quand tu t'endors, tu as le sommeil. Tu vois, tu as deux mondes. C'est de la psychanalyse, tout ça. On est dans la radio-psychanalyse. C'est des radios métanoïaques, tu vois. On transforme la paranoïa en métanoïa. Ok, c'est parti, mon kiki. Voilà, c'est parti, métanoïaque. On est mercredi, il est 17h. Depuis 2005, vous êtes ici? Non, là, ça fait 4 ans que je suis là, tu crois? 4 ans que vous 4 ans, ouais. Mais je fais un stage ici, ça fait longtemps. C'est un Clio 4 ou quoi? Mais voilà, mais la radio, ça fait 3-4 ans qu'il est là. Et puis, on est tous les mercredis. Si tu es hospitalisé ou pas hospitalisé, tu peux venir quand tu veux. Ok. Voilà. Et puis, je suis content de voir Inaltino qui va parler tout à l'heure. Igualtino. Parce que des fois, je sais pas, je te confonds avec ton frère jumeau, en fait, des fois. Ouais. Mon frère jumeau, il s'appelle Inaltino, I-G-N majuscule A-L-T-I-N-O. Ouais. Et moi, je m'appelle Igualtino, I-G-U-A-L-T-I-N-O. Ouais, voilà. Mais tu avais un troisième frère à une époque, non? Un frère. Tu avais un troisième frère, non? Ah, mon autre frère. Ouais. Daisy Isselima. Hein? Daji, il sert Daji, il sert Ah ouais, lui, mais fort, hein. Il croit ses bases. Il est où ici, hein. Il est où, Daji Erima, là. Attends, mon pote. Allez, c'est bon, on va rapper. Ok, est-ce que vous voulez présenter le rappeur là, quelqu'un qui va prendre le truc, Sors-nous un truc, le Kama Sutra là. qui va parler là, c'est vas-y, qui vas-y, moi mon gars, vas-y. C'est quoi ton nom déjà? Après on n'a pas le temps, on style après. Bon, on n'a pas le temps, il s'appelle MTR 93. Ouais, après on n'a pas le temps, MTR 26, vas-y, vas-y. MTR 26. J'envoie la purée, MTR. Ouais. Attends, mais près d'un micro parce que sinon on entend rien. Vas-y, CJ, tu peux mettre ça près de ton micro. Comme ça, ou celui-là. Ça sert à rien. Voilà, on démarre. Il y a des gens qui veulent rapper. Bon, c'est bon, il veut rapper ou pas? Il va rapper ou pas? C'est bon, là ouais. C'est bon ou pas, Martin? Et c'est quoi cette invité? Est-ce que tu as pris ton café le matin? Parce que là, depuis tout à l'heure... Moi, je suis un ancien rappeur, mais je rappe sur le nom de Lynx One et Swank Swank. Ouais. Moi, je suis ancien DJ. Allez-y, on est en direct. Chef. Vas-y. Chef. Ouais, chef, je suis ancien DJ. Génial, alors, tu mets la musique après. Ancien DJ ST. DJ ST, on va parler la musique après, ouais, tu vas nous parler. On va mettre la musique. On va laisser les jeunes là se défouler avec le rap. Alors, présente ton morceau s'il te plaît. Ouais. Génération 95. Attends. 97, Marvano. Ouais, c'est un BA 93-100. Nous, on n'a pas le temps, on est pressé. Ah, vas-y, comment? Ouais, vous avez ouais. Peur, quoi? Ouais. Tranquille, t'as dit quoi? Ouais. MTR, il passe dans le tunnel quand tu viens dans le canal de l'ourc. Il s'appelle la canal quand tu viens sur le canal quand t'es un. Ton canal c'est la chaîne de la télé-réalité quand tu viens. Martin, il est sa radio dans Skyrock Musa quand tu viens. Il boit son café. Son café toxiqué avec intoxication. Le café il est léger quand il est lourd. On dirait que la fusée. Quand tu viens, tu prends un café. Ton café l'épicé, quand tu vois tes yeux, ils sortent, on dirait un laser. Hey, ça rend bien, ça donne. Tes yeux sont laser. Ça envoie. Ça envoie de la purée, la patate douce quand tu viens sortir. Du pédo, du shit et du cocaïne. Non. Oh. C'est le Père Noël. Le Père Noël quand tu es aussi, tu sens Skyrock. Les œufs dessus. Tes os déjà le fusil. Tes os dira laser quand tu regardes buzz éclair dans ton story sac. Ta tête, on dirait ton story sac avec ta tête de robot quand tu marches. On dirait Robocop. Robocop. Sort du matin, télé-réalité. Sur le dessin animé en 2005, Toy Story. Quand tu es sur la télé-réalité, en cinéma en 4K, quand tu vois, tu passes comme un robot. Quand tu marches, on dirait passe-partout. Passe-partout quand tu l'avances. Oh. On dirait dans Toy Story 5 et Dalton. Ouais, vas-y, on m'entend là. On m'entend? Ouais. T'entends bien? On m'entend bien là? Il faut que tu mettes par contre la musique sur un autre. You know what, Matt? Qui met? You know fucking fuck. Ouais. You know fucking hate. Tu veux clasher? Ouais. On va clasher. Ah, ok. Clair. You the fucking clasher, hate. On va clasher. Moi sans insulte, regarde comment t'es gros. T'es enceinte, t'attends un adulte. Ouais, moi Adim, je suis le roi des gamins. T'es tellement feignant que tu dors debout pour pas avoir à te lever le matin. Crois que t'es mec, t'as pas vu la taille de ton bidon. T'es gros comme un camion trop lourd pour voyager en avion. Et même quand tu passes, les gens te prennent pour le bus. T'es tellement gros quand tu fais un tour sur toi-même, y'a rien à le plus. Y'a rien à le plus. Ok. Oh non. Dis que Mike, nigga. Hein. Appelle-moi Doudou pour les intimes. Je parle que de la même chose à chaque fois que vous en avez marre. Sur ma jipette à moi. J'ramène du lourd, j'envoie du lourd. M. On en dirait que la radio. Dédicace au M. Quelle heure il est 17h08. Le M. Heure de pointe. Je suis pas un pointeur. J'irai pas en prison pour une femme. Ouais. J'irai en prison parce que j'aurais fait des plans. Toujours en night. Toujours beau gosse, toujours mignon. Appelle-moi le chouchou de Nana. 93-140, la team. Avec MTR et Didi. C'est l'équipe, on est ensemble. Bah, on à la radio, on est pas Skyrock. On est à génération 93. Génération 95, 97, 98. Ouais, on est ensemble, on est ensemble. On est ensemble. Bientôt la fin des temps. Génération 94. 9-3-9-3-7-7 7-7-9-3-9-4-7-8 Arrête de picoler. 9-1 Quand tu picoles, arrête pas, tu tiens ta nette dans le verre, dans la bouteille. Quand tu casses ta bouteille, t'as un jet. Long jumeau, Essonne. 7-7-9-3 connexion en bouteille, yeah, yeah, yeah. Tiens ta nette. Yeah. Là c'est la bouteille, yeah, yeah, yeah. De l'eau et du poisson, de la vodka. Quand tu bois un Red Bull, t'es sonné dans la cloche. Quand tu bois trop, t'es sonné par terre. T'es gazé par terre. Quand tu sonnes, t'es en panique. Arrête de boire du whisky coca dans Red Bull. Jim's and Distinct Spider Instrument. Vas-y. Quand tu viens sur le terrain à Bondy Nord, dans le 7-7, dans le ghetto. Quand tu viens à Bondy, est venu ici à la radio et partant. Doudou a dit mais va t'es R, va t'es posé ici à Bondy, ouais. C'est le square avec le parc à musculation, ouais, quand tu cherches, ouais, la muscu, ouais, t'as peau dans l'oreille, ouais. Quand tu viens t'es sonné dans la cloche, quand tu viens tu passes en mode j'étais assise, quand t'es coupé décalé, coup de marteau dans la tête, petit là dans la tête, quand tu viens t'as pas de trou sur la tête, dans mode baccarat rouge, quand tu viens sur ici MDR squat. C'est le bolide plein d'énergie dans la bouteille. Quand tu viens, tu chasses pas de poisson dans l'eau. Quand tu viens, moi très bu vodka. Quand tu vas, chien dans la bouteille. Quand tu viens, dans la bouche. Quand tu viens, tu pars de la couche. Dans ta couche, il y a plein de merde. Dans la couche, il y a plein de merde. Quand tu viens, il y a plein de. Ouais. Quand tu viens. Ah, c'est Loulou qui crie. Quand tu viens, la police y passe. Quand tu viens, y'a plein de couches. Par terre, y'a plein de commerce. Quand tu viens, un bondi, plein de poulets qui avance. On appelle 17. Quand tu viens, tout le monde court. Ah, crie Loulou. Quand tu viens, on fait VR dans le 7-7. Quand tu viens, fais l'énergie. Fais l'énergie. MDR. FDR, plein d'énergie, au milieu 4. Quand tu avances, tu recules. C'est ici, c'est la Pijak. Quand tu viens, la Pijak. Force aux prisonniers de France. D'énergie. Dans le bolide. Force aux prisonniers de France. Renault RS, Clou RS. Tous ceux qui sont emprisonnés, force à vous. Les frérots. Quand ça, tu viens, ça bouge pas. Ça bouge pas. Sur Skyrock, avec Martin. Génération 9-3. 9-3, 7-7, quand ça bouge pas. Génération 9-4, quand 9-3. Tu viens, tu sais pas rapper, quand tu rappes d'un chinois qui rappe. Quand tu viens, c'est l'Empire 93, ça 100%. Quand tu viens, tu avances comme un perche. Rolo. Quand tu viens, c'est la vache Cayenne. Quand t'avances, t'as mis le pion de Cayenne. Quand tu manges, t'as des gens en feu. Doudou. Ah. C'est lourd, hein. Course poursuite, bolide allemand chargé dans la voiture, Camos. Il y a plein de policiers qui courent dans le terrain. Quand tu viens à Bondy, on te chasse, on te caillasse. Avec plein de marteaux piqueurs, quand tu viens, un dragon va cracher le feu. C'est la fin du monde, c'est la guerre mondiale. Quand tu viens, on va t'attraper par ta tête. On va te mettre un coup de marteau. Quand t'es sonné, tu es en cours. La policière vient te attraper, elle te met un coup de marteau dans la tête. Il s'est passé un samedi. La policière vient avec un cheval. On dirait une Porsche Cayenne, une chef qui se balade dans la rue. Ici c'est la rue, c'est MPR Squad, Doudou DJ Trix. Ah ouais, c'est MTR. Un tour Eiffel, c'est un Parisien, un Paris Go. Tu veux quoi, frérot? Sous-moi, t'inquiète. MTR, c'est la jungle ou pas? Ah, c'est la jungle? C'est la jungle ou pas? C'est quoi qu'on fait là? Ouais, 93-600, posé ici avec MTR. Quand tu viens, le cheval avance avec une chèvre. Quand tu viens, avec la laisse. Quand tu viens, tous les rappeurs, ah oui, ici, avec Doudou et Jim MTR. Le cheval a craint. Il crache la flamme quand il avance. Il cavale, il recule. Vas-y, vas-y. Dernier, vas-y. C'est la vie de la veine. Ah ouais. Quand tu cries le loup, il arrive, il passe. Moi chasseur, quand tu passes, il tire. En mode calibré, charge et tire. Quand on charge le calibrage, quand tu tires sur la tête, tu viens ici, tu fais exprès. Pour le Renault Express, c'est narco quand tu roules dans le bolide. Le M. Le M de MTR. Quand tu viens MTR, c'est le M de MTR. Quand MTR vient, il y a moi. Depuis 2005, on est là, on est dans les bacs. On est là dans les bacs depuis 2005. Ça bouge pas, on est en place. On est sur Pinode, on est le Radio Métanoïaque. Il y a le freestyle qui est à fond. Là, je vois DJ qui se prépare pour mettre son flow. Il va se barrer. Il veut se barrer. Ah, Martin, il est dépassé. Il veut se barrer, comme d'habitude. Voilà, il veut partir déjà. Non, mais c'est bien quand tu laisses. Tu peux rester aussi avec nous. Moi aussi. C'est pas grave, on est là. On est là. On a un ancien DJ là qui vient d'arriver, c'est ça hein. Oui. C'était quoi ton nom DJ déjà? DJ ST. ST. DJ ST, est-ce que tu voulais. Tu veux chanter un truc ou tu veux mettre un morceau? Je peux mettre un morceau sur YouTube. Ouais, tu peux. Attends, tu me dis. Monsieur ST93. Attends, je vais chercher. Monsieur ST93, une seconde. Tac. Voilà, il y a la musique qui apparaît. Attends. Monsieur ST93 sur Métanoïac, sur Pinot. Alors, Monsieur ST93, voilà. Ça, non. Ah, pardon. Parce qu'on sent tout. Monsieur ST4, monsieur MR ESTE 93. Non, MR ESTE. ESTE. Calme là. C'est toi. C'est plus calme là. C'est Jay, vas-y. À toi. Tu peux envoyer la musique là? Ah, je vais mettre quoi? Je crois qu'il va mettre quoi. Doudou, laisse un peu, je vais mettre là. C'est bon, il était trop. Vas-y mon gars. Ça va bien. Ah mais moi j'entends pas moi. Attends, j'ai envie de passer. Mais mets l'instru. Attends, c'est pas toi qui mets l'instru. C'est moi, je mets l'instru. Ok. Mais pas trop fort parce que vous êtes pas le micro. Je l'ai marqué comme un but. Le plaisir sans les dents quand tu prends ton temps. Ah voilà, c'est ça. Je l'ai marqué pas de collant, toi tu seras mon plan. Le plaisir sans les dents, quand tu prends ton temps. Je l'ai marqué comme un but, tu es un black et je te plais. C'est ma carte, pas de collant, toi tu seras mon plan. Je l'ai marqué comme un but, on se dit pas s'il te plaît. Le plaisir sans les dents, quand tu prends ton temps. Je l'ai marqué comme un but, tu es un black et je te plais. C'est ma carte, pas de collant, toi tu seras mon plan. Je l'ai marqué comme un but, on se dit pas s'il te plaît. C'est léger, gop, t'es en topless. J'étais en pierre, elle m'a témoin la selle. Pour le faire, on se dit pas s'il te plaît. Jalouse, elle peut casser des verres. Le plaisir sans les dents, quand tu prends ton temps. Je l'ai marqué comme un but, tu es un black et je te plais. C'est ma guerre, pas de collant, toi tu seras mon plan. Je l'ai marqué comme un but, on se dit pas s'il te plaît. Le plaisir sans les dents, quand tu prends ton temps. Je l'ai marqué comme un but, tu es un black et je te plais. C'est ma guerre, pas de collant, toi tu seras mon plan. Je l'ai marqué comme un but, on se dit pas s'il te plaît. Excellent, bravo. Merci. Merci. CJ, c'est ça? CJ. Moi c'est Doudou moi. Doudou et Doudou à la musique et CJ à la voix. CJ et Doudou. Oh oh oh oh yeah yeah. Chacun son domaine, chacun son métier comme on dit. Ah. On peut être mécanicien et musicien aussi. Hein. On peut, c'est vrai. Je peux vous faire écouter la musique que j'ai faite. C'est fini là ? Laquelle tu veux mettre ? Je sais pas, tu peux nous expliquer c'est quoi ta musique là, tu mets, c'est quoi la musique que tu vas mettre ? Mais si, il a trouvé la musique. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, c'est la... Mais tu vois, tu es... Quoi de la funk, de la... Moi, j'ai du rap, nous, du rap. Ah, ça peut changer aussi, hein, y a pas que du rap dans la vie. Du zouk, alors. Je peux mettre du zouk, du old school. Mets du zouk. Du zouk ? Ouais, du compas. Allez, on va mettre du zouk. J'ai fait ça il y a 13 ans, ça date, hein. Et la soul. C'est ça, ouais, c'est ça. Vas-y, quoi ? Le son, il sort mal. Yeah. Regardez la vidéo, vous avez vu? C'est du bon matos, hein. C'est quoi comme matos? Le matos de DJ, à l'époque. Chanter, hein? Non. Avec le logiciel Serato. Serato, les lasers. On les serrer. Ça fait 10 ans ça. Je peux vous mettre autre chose si vous voulez. Hein. Vous voulez autre chose? Ça va tu peux micro... Oui, ça va, quand tu veux. On peut mettre autre chose. Tu vas mettre quoi maintenant? On peut mettre du old school. Old school. Ok. On va mettre le 1. Vas-y. Et ça, tu l'as mixé avant, c'est toi qui... Ouais. C'est moi ça. Ouais, c'est old school, ouais, je connais. Posez là-dessus les gars. Raconter un peu comment tu faisais les mixages, tout ça? Dans ma chambre. Tout seul? Tout seul, comme un grand. Avec ces machines que tu as montrées là? Oui, exactement. C'était du bon son, hein? Tu fais encore de mixage ou pas? Non, j'ai arrêté. Pourquoi tu as arrêté? Parce que j'ai pas le temps. J'ai plus le temps, il fallait de l'argent. Ah oui, mais tu peux le faire là, ici aussi, non? Oui, c'est vrai. C'est bien la musique, non? Ça calme? Ça calme, oui. On peut mettre du rail. Vous voulez du rail? Voilà, mais tu peux mettre du rail. C'est lequel, tu me dis? Session rail, là, celui-là. Ok, on met du rail. Et ton nom de DJ, c'était Esteban, ça? DJ ST. DJ ST. Ça veut le dire, là. DJ Esteban. Thank you.

Non, c'est une police qui a été créée par un de mes frères. Et il met les gens dans la rue qui a rappé. Ouais. Et il y a plein de nouveautés, mais peut-être qu'il fallait marquer juste New Music ou je sais pas. Le titre est mauvais, le titre est mauvais. La musique est bonne, le titre est mauvais. Ah, ouais, le genre IGNA, c'est genre comme un GNGA. IGNGA, mais. Hein? Sinon, ça va quoi. Tu peux connecter ton câble là? Ah, ouais. Tu peux mettre ton câble. Bon, merci Igualtino, hein, parce que tu nous manquais à la radio, tu sais, le 8 mois qu'on était sans toi, sans ta chronique de système solaire, c'était pas la même chose. Moi, à la base, je viens pas de ce secteur-là, je viens du rez-de-chaussée. Après, on m'a dit qu'ici, c'est. Rez-de-chaussée au moins. C'est l'UMDM ouvert aux personnes. Sinon, ça, je suis conscient et je vous remercie de tous être venus écouter peut-être le son de Isaac sur la cagoule. Mais voilà, c'est tout. Ouais, non, mais c'est super quand tu es là parce que tu alternes entre différents mondes, tu vois, et ça se voit à la radio, c'est précieux. C'est un beau message, ça. On vient du rez-de-chaussée, on vient de l'au-delà, de l'au-delà. On entend ? Oui, on t'entend. CJ. Nous sommes seuls à bord, en mode public averti. Ta peau sur ma peau comme au Ténaga. Je veux t'entendre toutes tes pensées, je veux que tu sois mienne. Je t'écoute la night, mais je dois t'avouer d'abord que je suis qu'un homme énavré. J'imagine des trucs sales, plutôt sombres et hardcore. Bébé, quand je vois ton visage, en ta présence, je me sens riche. Lokecha, Zanabino, Lokecha. Je ne joue pas, je triche, t'es l'officia. T'es l'officia, yeah, yeah, yeah. En ta présence, je me sens. Ah, merci. Lokecha. Non, moi je ne joue pas, je triche. T'es Lokecha, yeah, yeah, yeah. Viens, mets-toi dodo, je veux te regarder là. À ta combre, je veux parler. Tu me donnes, et je suis troublé, j'avoue. Et tout ce que tu portes, j'aimerais l'enlever. Dans ton temps, Lokecha, quand tu règnes sur moi. Oui, oui, moi tout. Dis-moi que t'as faim de moi, Sunga tout. Je veux te donner tout ce que tu es, et pour que tu viennes. Ouais, tu te ouais, ne ouais. Résiste pas, laisse nos corps s'accorder. Oh my love, tout ce que tu es m'excite. Là, je suis ton maestro, t'es mon piano. Devenu à bord, là mon désir s'exprime. Toi sur moi sur toi, c'est l'heure d'y aller. En ta présence, je me sens riche, Lokecha. Zanabino, Lokecha. Non, je ne joue pas, je triche, t'es l'officia. Non, la langa. Lokecha, yeah, yeah, yeah. La police, Lokecha. Non, je ne joue pas, je triche. T'es Lokecha, yeah, yeah, yeah. La police, Lokecha. Non, je ne joue pas, je triche. T'es Lokecha, yeah, yeah, yeah. Ouais, bravo CJ. C'était à peu près ça, à peu près ça. Ouais, et puis Stéphane, la percussion, c'est bien, ça tombe bien. Et Fadela, vous voulez parler de quoi aujourd'hui ? Moi, je pas doué en rap. Bon, vous pouvez chanter autre chose, hein. On n'a pas besoin de rap, on a envie juste d'entendre votre voix, qui est très radiophonique. Je chante des chansons des années 70, 80, alors. Je crois que je suis en retard. Ah, mais allez-y, à quelle chanson vous voulez chanter? Allez-y, madame, allez-y. Allez-y, chantez, lâchez-vous. Je veux parler dans un sujet, là. Laisse parler un peu. Ouais. Chante. Ouais. Comme ces jeunes. Parlez auprès du micro, comme ça on vous entend bien. Les enfants, ils sont actuels comme ces personnages. Mais oui. Mais moi, quand je chante, on me dit que je suis retardée, quoi. Bah non, ici, il n'y a pas de retardé. Il n'y a pas de retardé, ici. On est à la radio Génération 87. Je suis née en 57 et je chante des chansons de 80. Ça va pas. Oui. Ça va pas. Bah si, pourquoi? Ça va. Ça va leur plaire. Bah oui, tout le monde, là. Ah, j'en sais rien. Ici, on a la voix pour tout le monde. Allez-y. Essayez. On vous écoute. On vous accompagne. Lui va accompagner la percussion. Je vous accompagne. Allez-y. J'ai pas fait grand chose de ma vie, mais ce que j'ai fait, je le fais avec amour. Ouais, ça c'est beau. Si j'ai pas fait, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de celui qui m'a fait. Éternel. Celui qui m'a élevé, celle qui m'a élevé. C'était pas mes parents, c'était mes beaux-parents. Et aujourd'hui, je suis seule, mais je suis pas vraiment seule. J'ai deux enfants. Et peut-être trois. Parce que je la vois plus. C'est vrai qu'il faut avoir de l'argent pour avoir du talent. Mais quand on a trop d'argent, on vaut rien. Parce qu'on nous achète. Point. Hey, c'est excellent. Bravo, Fela. Mais avec ça, on peut faire une chanson, hein. Bravo. C'est Islam ou quoi? Bravo. Hey, magnifique. Ils n'ont pas d'argent. Tu ne veux pas payer un verre à ton ami, tu ne veux pas l'emmener au cinéma. T'as pas de rond. On peut se promener dans la rue. Sans argent. Et qu'est-ce qu'on fait? On danse dans la rue. On danse dans la rue. On s'aime. On s'aime. Voilà. Quelle chose on peut faire sans argent alors, Esteban, fais quoi? Aider les autres. S'entraider. S'entraider, oui. Aimer les gens. Ouais. Combattre le racisme. Ouais. Combattre l'injustice. Il n'y a pas de justice. Combattre l'injustice, il dit, ouais. Mais il n'y a pas de justice. Tu as trop d'injustice, Stéphane, autour de toi? Trop d'injustice. C'est trop injuste. Eux, ils se régalent, ils boivent du champagne à gogo. C'est ça. Et nous, on est dans la merde. Ouais. Nous, on est au rez-de-chaussée. Eux, ils sont au 7e étage, au 7e ciel. Et nous, on est où? Nous, on est malades. On est au moins un. Ouais. À l'hôpital psychiatrique. Psychiatrique, ça veut pas dire fou, hein? Non. Ça veut dire différent. Différent ou incompris. De la société. Tout à fait. Quand vous pensez pas la même chose, dans la société, vous êtes fou. C'est bien ça le problème. Il faut ressembler au fou pour être fou. Et si on pense être fou, est-ce qu'on est fou? Quelque part, on est fou quand même. Au moins, on rigole, quoi. Parce que eux aussi, ils scament. Eux aussi, ils prennent des cachets. Eh oui. Pour être bien, zen. On est tous pareils. On est tous pareils. Des humains. Quand on se lève, on va tous aux toilettes. Ah oui, et ça sent la même chose. Ça sent pas la rose, comme on dit. Ouais. Ce sont des belles expressions françaises, ça, tout ça. Tout à fait. Ouais. Il paraît qu'Elon Musk prend ne sais pas combien de cachets par jour, hein. Incroyablement. Il est hyper drogué. Ouais. Mais. On prend des cachets. Pour aller mieux. Pour voir un autre monde. Ah oui, carrément. Carrément, on prend des cachets pour voir un autre monde. Ouais. Mais on est toujours dans ce monde. Ouais, on est dans des autres mondes. C'est joli. C'est joli. C'est joli, musique, là. C'est bien, tu viens de choisir. Esteban, vous pensez quoi? Allez-y, bonjour, bonjour mademoiselle. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Jade, enchantée. Jade, enchantée Jade. Merci. Bienvenue à la radio. Merci bien. Métanoïac. Infirmière à l'hôpital psychiatrique de Bondy. Secteur 11. Eh oui, voilà. C'est ça, presque, moi je suis étudiante. Étudiante à l'hôpital psychiatrique, secteur 11. Exactement. Ouais, tu connais tout le monde maintenant, Stéphane, ça. Maintenant c'est la famille, c'est le cercle familier. Ouais. On est comme une famille. Ouais, c'est ça. Radio famille. C'est et mieux. Familier, c'est pas les animaux, hein, c'est famille, famille au sens propre. Alors, ouais. Dans ces cas-là, tu veux dire familiale, la radio? Voilà, c'est une radio familiale. Ok, c'est super cool. Ouais. Tout le monde est le bienvenu ici. Et la psychiatrie, c'est familiale? La ouais. Psychiatrie, c'est la psychiatrie. C'est pas familial. C'est pas trop familial. C'est amical. C'est un peu d'injustice, un petit peu de... un petit mélange d'incompréhension entre les patients et les soignants. Et c'est pour ça qu'il faut discuter et qu'il faut dialoguer et communiquer. C'est très bien. C'est pour mieux se comprendre entre les psys et les patients. Parce que les psys, ils ont un travail très très compliqué. Ils doivent diagnostiquer la vie d'une personne en quelques minutes, alors que c'est compliqué à réaliser, au final. C'est cas par cas. C'est au cas par cas. Je peux poser une question, Estelle? Oui. Est-ce que vous sentez qu'ici, vous communiquez bien? Ici, on communique bien, mais il y a quelque chose qui nous gêne. Oui. Ce sont les médicaments. D'accord. Parce qu'on prend trop de médicaments en psychiatrie. Et c'est un problème. C'est-à-dire qu'on est dans un état second. Mm-hmm. Donc on passe pour des fous pour la population. Mais est-ce qu'on est vraiment fous? Quand les gens pensent qu'ils sont, admettons, schizophrènes, mm-hmm, et qu'ils entendent des voix. Oui. Mais dans la réalité, on entend tous des voix. Parce qu'on a tous un cerveau qui réfléchit. Tout à fait. Et qui nous dit, fais telle chose ou telle chose. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être pour une autre raison. Il y a peut-être la religion qui rentre en compte. Il y a peut-être le travail qui rentre en compte. Il y a peut-être autre chose qui rentre en compte. Mais ça, comme on dit, chez nous, c'est le destin. Parce que moi, je suis de confession musulmane. Ok. Et dans la religion, c'est comme ça. Mais vous savez, Esteban, même si je pense que vous n'avez pas tout à fait tort sur le fait qu'on entend tous des voix à un moment ou un autre, je pense que la différence, c'est ce que ces voix nous disent et à quel moment on prend la décision de les écouter ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est exactement ça, c'est la prise de décision et l'information, la quantité d'informations reçues par le cerveau, mmh, et ensuite la prise de décision de ces informations. Une personne normale va recevoir des informations assez peu conséquentes, mmh, avec une prise de décision assez lente. Une personne qui peut être malade comme moi, bipolaire, oui, ou hypersensible, parce que je me définis plus comme hypersensible que bipolaire. D'accord. Et ben, tout se chamboule dans la